toi-même. Moi, ce que je veux te dire. Boîte 9, c'est moi. Le Napalm terroriste. Chrono, le clip encore du microphone qui fait bouger les bolbis. Ah ah, je vois qu'il y a du mouvement dans la foule. Ok, lève le mail, baisse la tête quand ça shoot. Ta gueule. J'ai pas besoin de tout ça, pas besoin de tatouage, pas besoin de bandana pour ressembler à Tupac. Pas besoin d'avoir de l'or dans ma bouche, d'être VIP au bain douche, de bédo pour être cool, d'avoir des lots pour être roots. Pas besoin d'être à la mode et d'avoir un matic dans ma poche. Pas besoin d'être carré, pas besoin de m'habiller tout dans la coste. Pas besoin de m'appeler parce que je rappe les branches de merde. Je suis fan de mon antenne, hardcore au moment de l'être. Stop, c'est moi. Casser la démarche, j'ai rien à te prouver. Pas besoin de te regarder mal, j'ai rien à te prouver. Pas besoin de jouer les criminels pour un délit mineur. Si c'est ça être vrai, pas besoin d'être vrai du bitiller. Pas besoin de ça, pas besoin de coke dans le zen pour être dans le showbiz. Pas besoin de snobis, mais parce que tu pèses, il faut le dire. Pas besoin de critiques, je m'embrouille. Comme tu m'ouvres pas en France, t'as un problème, prends un micro, on enclenche. Pas besoin d'entendre que Katie m'a envoûté. Pas besoin d'être trop tard, je suis métis et ma mère m'en voudrait. Pas besoin de braquer de la pelle pour une avance, tu veux savoir comment je m'appelle? QROANO, je te l'appelle. Stop, c'est moi. Renaud, le MC qui soulève les foules. Chèque sa signature. Pas besoin de porter plainte pour faire la pub. Pas besoin les jeux d'honneur comme les hémorroïdes. N'importe quel cul peut l'avoir. Pas besoin d'être un héros pour le savoir. Pas besoin d'avoir une MAFIA. Écoute mes gars derrière, qu'est-ce qu'il y a? QROANO, NUBU. Pas besoin de faire semblant, ok. Mon rap une guerre sanglante. Tous les pins ont crève dans l'âme. Bébé bouge tes fesses pour représenter les ladies. Pas besoin d'instru pour faire bouger mes jeans. Écoute ça les gros, les gars ils tirent en l'air. Mais pas besoin d'avoir ce qu'il faut. Lève les mains quand même. C'est moi, Renaud, le MC qui soulève les foules. C'est vrai Renoir, tu sais de quoi je te parle. Alors lève le bras. Stop, c'est moi, Renaud, le MC qui soulève les foules. C'est vrai Renoir, tu sais de quoi je te parle. Alors lève le bras. Stop, c'est moi. C'est moi, Chrono, le MC qui soulève le foule. Vraiment, c'est vrai Renoir. Tu sais de quoi je te parle. Alors lève.